solo mic. Moi j'ai pas le sourire du gars qui fait des pubs pour le dentifrice. J'suis feignant dans ma main, y'a comme un poil de dent qui brise. Violence conjugale commence quand on se fait du rentre dedans. Du mal à conjuguer la violence de mes mots quand tu perds 30 dedans. Tes larmes et t'agis pas, tu sers autant que la garde républicaine. Le temps c'est de l'argent, ma vie autant que je la regarde plus le week-end. T'enchaînes la peine de mots, tu rappes la vie sans mettre ton zen dehors. Si j'étais président, je remettrais la peine de mort. Comme d'hab, je m'invite, armé d'un texte, mais jamais les ma vie. Tu ferais dans mes propos, quitte à le jurer sur ma vie. Tu les bâtards et les pétasses me laissent un temps de repos. Babar de ma part, les fait d'armes d'épaule. T'es coquet et du MC, t'as toute la panoplie. Tu rappes mais t'as l'air con comme si t'avais une panolie. T'as fait ci, t'as fait ça, coussin on s'en bat les reins. Regarde devant ta porte, y'a un tas de merde mais tu ne parlais rien. Je suis à la bande, pas compris la vie, la mort encore moins. Je suis qu'un terrien, qu'est-ce que ça signifie? Pas grand chose, voire même rien. Vite faut rien, en gros galérien, on s'en bat les reins. Avec entrée en présent pour l'interprète.